Pendant que toute la famille réunie essayait de prêcher le mariage au maréchal et que Lisbeth revenait rue Vaneau, il y arrivait un de ces événements qui stimulent chez les femmes comme Madame Marneffe l'énergie du vice en les obligeant à déployer toutes les ressources de la perversité. Reconnaissons au moins ce fait constant. À Paris, la vie est trop occupée pour que les gens vicieux fassent le mal par instinct. Ils se défendent à l'aide du vice contre les agressions, voilà tout. Madame Marneffe, dont le salon était rempli de ses fidèles, avait mis les parties de whist en train lorsque le valet de chambre, un militaire retraité racolé par le baron, annonça « Monsieur le baron Montes de Montejanos ». Valérie reçut au cœur une violente commotion, mais elle s'élança vivement vers la porte en criant « Mon cousin !» Et, arrivée au Brésilien, elle lui glissa dans l'oreille ce mot « Sois mon parent ou tout est fini entre nous !»« Eh bien » reprit-elle à haute voix en amenant le Brésilien à la cheminée. « Henri, tu n'as donc pas fait naufrage comme on me l'a dit. Je t'ai pleuré 3 ans. » « Bonjour, mon ami, » dit M. Marneffe en tendant la main au Brésilien, dont la tenue était celle d'un vrai Brésilien millionnaire.